Let's go. Let's fucking go. Every day, like Nicki Black, Nicki Black, Nicki Black. Put your hands in the sky like back toes, back toes, back toes. Right, let it ride like Nicki Black, Nicki Black, Nicki Black. Put your hands in the sky like back toes, back toes, back toes. La rue a fait de moi le contraire de l'enfant sage. Avec mes coups de poing, négro, moi je te dévisage. Ta flamme ne mettra pas du temps car je vais l'éteindre. Faut avoir des couilles, négro, pour pouvoir m'atteindre. Bobo Sani, Kunga, Moko, Nazali, Makassi. Même sans aucune arme, Boko Djam, Assassi. Nickel Black, Scorpion, people we the best. All the rats wanna rain when I got the rest. I never wanna hurt you, I just wanna suck you. When I ride my skate, bro, I just feel like a king. Calm down, baby, then I will get you a thing. Plenty money in my pocket, call me Mr. Cash. I'm not scared, cause I'm always ready for the clash. Ici les faux n'ont pas de place, car ce sont des lâches. T'inquiète pas, je te reverrai même si tu te caches. Te caches, te caches. Man, we swagging every day like Nicki Black, Nicki Black, Nicki Black. Put your hands in the sky like back toes, back toes, back toes. Right, let it ride like Nicki Black, Nicki Black, Nicki Black. Put your hands in the sky like back toes, back toes, back toes. No man never stopped again. We were the best before my girlfriend went to be the same. Pass me that fucking boat, I wanna do a speech. High vibes on my brothers, try to get reach. No man, God, I'm gonna feed up. When you get, and I wanna stand up. Smolder, young girls, we the best. Mary Neems, man, do we have the chest? Drive it like a car, or like a hula hoop. You got my spans in your mouth, dripping like a soup. Man, we swagging every day like Nicki Black, Nicki Black, Nicki Black. Put your hands in the sky like back toes, back toes, back toes. Right, let it ride like Nicki Black, Nicki Black, Nicki Black. Put your hands in the sky like back toes, back toes, back toes. Mais ne parle pas, fais attention tu me pas. Je suis un king sur les rings et tous mes mots sont toujours palpables. Ils disent qu'ils rappent comme moi mais moi je rappe comme personne. T'essayais de me détruire mais me voici en personne, yeah. Never I go Lego, Nigo Lego let's go. Nickel Black, Scorpion, Nigo on est trop speed. New generation, we have the same seed. A force de nous suivre vous êtes derrière comme des fesses. Mais comme je suis gentil je vous traîne avec une laisse. C'est pas que je bouffe du ketchup comme appelle le vampire. Ma bite tout en diamant mais le bout en saphir. Je suis le reflet de l'or et maintenant ils veulent ma mort. Mais il faudra tuer mon corps pour pouvoir vendre mon âme. Vendre mon âme. Bad dogs, nigga, Nicki Black, Scorpion, pion, pion. Yeah, we swagging every day like Nicki Black, Nicki Black, Nicki Black. Put your hands in the sky like bad dogs, bad dogs, bad dogs. Right, let it ride like Nicki Black, Nicki Black, Nicki Black. Put your hands in the sky like bad dogs, bad dogs, bad dogs. Swagging every day like Nicki Black, Nicki Black, Nicki Black. Put your hands in the sky like back toes, back toes, back toes. Right, let it ride like Nicki Black, Nicki Black, Nicki Black. Put your hands in the sky like back toes, back toes, back toes.